J'inventais des lettres à France, solitaire en silence. Si je n'ai pas su l'écrire, je voulais simplement te dire que si. Sans rêver.

m'as laissé hier, la fin de la saison. Mon

FM. Moda FM. Moda FM. Moda FM. Moda FM. De bois, de leur amour.